Mosaïque. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. La fin du mois d'octobre a été caractérisée par le cinquième round du dialogue inter-burundais. Seule opposition était autour du facilitateur Benjamin Mkapa en l'absence du gouvernement. Face à cette situation, le médiateur a affirmé que le cinquième round était le dernier, alors que le consensus est loin d'être acquis entre le gouvernement et l'opposition. Selon la facilitation, la suite est attendue à l'issue du prochain sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Entre-temps, deux feux de route se concurrencent pour la sortie de la crise politique et la préparation des élections de 2020. D'une part, la feuille de route de Kayanza vers les élections de 2020, soutenue par le gouvernement, et d'autre part, celle d'Entebbe, élaborée par l'opposition en exil et qui a été complétée à Arusha par toute l'opposition, y compris les opposants se trouvant à l'intérieur du Burundi. Dans cette émission, nous échangerons sur le contenu de ces deux feuilles de route. Quels sont les points de divergence et de convergence de ces deux documents? N'y a-t-il pas possibilité de converger vers une seule feuille de route consensuelle en vue de la sortie de la crise politique au Burundi et la préparation des élections de 2020? Voici les principales questions et bien d'autres qui feront objet de notre débat mosaïque. Pour en parler, nous sommes avec trois invités. Ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé de la communication au bureau exécutif du parti FNL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie de l'invitation. Nous sommes également avec Honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Ami Zéro Yabarundi. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Nous sommes également avec Olivier Mourouziza, secrétaire général du parti Uprona et porte-parole de son parti. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci de l'invitation, monsieur le journaliste. Nous attendons également le quatrième invité, honorable Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Jérôme Nyonzima réalise Mosaïque d'aujourd'hui. François Akimana assure la mise en onde. À l'animation de Mosaïque, Pacifique Chubahiro. À vous tous à l'écoute. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Ambassadeur Anatole Bachanamo, le parti FNL sera-t-il prêt vers les élections de 2020 conformément à la feuille de route de Kayanza? Merci beaucoup de la question. Le parti FNL sera évidemment prêt pour les élections de 2020 conformément à la feuille de route qui a été décidée à Kayanza en présence de plusieurs partis politiques agréés au Burundi. Mais de l'autre côté, les opposants, notamment ceux qui ont pu participer au cinquième round, ne sont pas du tout d'accord avec la feuille de route. Et ils présentent leur feuille de route. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a moyen aussi d'embarquer ceux qui ne sont pas partisans de la feuille de route de Kayanza? L'esprit, si vous l'avez bien lu, l'esprit de la feuille de route de Kayanza, c'est un esprit d'ouverture. Si vous regardez les 40 points qui composent la feuille de route de Kayanza, il est bien stipulé que cette feuille de route est ouverte, mais en nous basant sur les textes légaux. Si jamais la feuille de route proposée par les opposants qui étaient en groupe d'autodéterminement est conforme aux textes légaux du Burundi, pourquoi pas les deux textes pourraient se marier. Tassien Sibomana, vous venez d'Arusha, dans le cinquième round de dialogue inter-burundais. Vous avez émis des suggestions. On a une feuille de route de Kayanza. Pensez-vous que les propositions que vous avez formulées peuvent vous aider à aller dans les élections de 2020? Oui, naturellement que dans un forum comme celui de Ngurdoto, qui vient de se terminer le 29, il était important que l'opposition tout entière montre au peuple burundais et à la communauté internationale les propositions qui sont les siennes pour faire sortir le Burundi de la crise. Et je ne peux pas m'y éterniser, comme apparemment ce n'est pas le point à l'ordre du jour, mais permettez que je cite de façon très lapidaire les propositions que nous avons formulées sans les détailler. D'abord, nous avons fait une analyse détaillée de l'état des lieux du processus de dialogue interrouande. Nous avons montré les points forts et les points faibles de la facilitation-médiation de la communauté de l'Afrique de l'Est en général, de l'Union africaine et des Nations Unies. Vous n'avez pas forgé l'idée du facilitateur pour afficher finalement son incapacité pour réconcilier les deux parties. Si vous dites que non, vous avez déjà montré les défis par rapport à la médiation. Absolument, il fallait le faire parce que ça fait autant d'années que le processus piétine. Il fallait montrer les responsabilités des uns des autres en termes de tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans ce processus. Et je suis désolé de le dire, le médecin ne peut pas guérir une maladie, ne peut pas bien la soigner tant que le diagnostic n'est pas bien fait. Alors maintenant que le sommet dit capital pour montrer la voie à suivre ou pour reconnaître l'échec de la communauté de l'Afrique de l'Est dans cette affaire, il fallait bien montrer la responsabilité des uns des autres dans l'échec et pour permettre finalement une voie de sortie. C'est comme ça donc que nous avons fait l'état des lieux. Et je vous informe que le facilitateur a très bien accueilli l'analyse que nous avons faite. Le deuxième point, c'était bien évidemment, après avoir fait l'analyse de l'état des lieux du processus de dialogue interburundais, on est passé à la proposition de voie de sortie de crise, que nous avons développée en trois points. D'abord, la mise en place d'un nouveau cadre de dialogue. Si jamais la communauté de l'Afrique de l'Est confirmait son incapacité à faire le mandat tel que lui avait confié les Nations Unies et l'Union africaine. L'autre aspect, c'est bien sûr du processus électoral à venir. Et nous ne sommes pas exprimés sur la feuille de route. Nous parlons du processus électoral, qui est loin d'être confondu à une simple feuille de route. Pour vous-même, s'il faudrait admettre la feuille de route d'Okayanda, ça serait un aspect qui concerne seulement les élections. La feuille de route, ce n'est qu'une entente entre les acteurs qui vont participer aux élections, dans le sens de se convenir sur les principes, sur la méthodologie, sur certains aspects, mais qui ne sont pas finalement les points fondamentaux. Parce que, comme on va le voir dans le développement, il y a un cadre légal qu'il faut concevoir. Et tout ce cadre tire son origine dans la Constitution et l'accord d'Arusha. Est-ce que la fête d'Okayanza, finalement, s'inspire de l'accord d'Arusha ou pas? On va le démontrer par la suite. Donc, c'est pourquoi nous avons analysé la chose sous forme de processus électoral à venir. Là aussi, il y a une nuance. On va le démontrer après. L'autre aspect que nous avons développé... À venir, c'est dire que ça doit se préparer... Je vais y arriver. Maintenant, j'étais en train de vous informer. Sinon, si c'est le point à l'ordre du jour, on va le détailler dans le développement à venir. L'autre aspect, donc, c'est de parler de l'environnement pré-électoral, parce que c'est très important. Et enfin, le grand point... que nous avons développé dans notre proposition de voie de sortie de crise, c'est relatif au mécanisme de mise en œuvre du processus électoral. Il y a toute une série de mécanismes que nous avons mis en exergue pour réussir ce processus. Et enfin, ce sont les mécanismes et garanties de mise en œuvre des voies de sortie de crise que nous avons proposées. Il faut des mécanismes de leur mise en œuvre. Voilà, je vous faisais l'état des points que nous avons développés. Sinon, s'il faut revenir, je vais m'arrêter par là, on va développer par après. Et tout ce qui s'appelle processus électoral, il faut d'abord le circonscrire dans un cadre légal et réglementaire bien déterminé, avant de parler d'autres aspects. Alors, la question qu'il faut poser d'entrée de jeu, quel est le cadre légal et réglementaire qui coiffe tout ce processus électoral? Ce n'est pas la feuille de route. Voilà, je peux m'arrêter. Vouloir discuter de la feuille de route ou du processus électoral de manière générale en ignorant que nous sommes en crise, c'est déjà fausser la piste dès le départ. C'est pourquoi nous parlons d'un processus électoral qui tient compte de la situation particulière dans laquelle le Burundi se trouve aujourd'hui. Mais si le parti Iprona, par exemple, représenté par Olivier, affirme que sur l'aspect notamment d'une transition au niveau du gouvernement, on n'est pas d'accord. Est-ce que si vous dites un environnement préélectoral, est-ce que ça ne sous-entend pas la transition? Ça peut être un aspect, mais l'environnement préélectoral se pose beaucoup de choses. Est-ce que la sécurité est totale pour pouvoir espérer un processus électoral paisible? Est-ce que l'observation des élections, par exemple, tant que les radios ne fonctionnent pas, tant que les organisations de la société civile ne sont pas là, tant que l'observation internationale ne peut pas être acceptée sur le sol burundais, est-ce que les élections seront réellement transparentes? Est-ce que le travail des Imbonerakure sur terrain, nous en avons les preuves en abondance avec le dernier processus référendaire. Est-ce que leur comportement, s'il reste comme tel pendant le processus électoral à venir, qu'il soit de 2020 ou d'après, pouvons-nous espérer un processus électoral crédible, respectueux des principes et standards internationaux? Loin de là. Donc c'est tout cela qu'on a mis en exergue pour montrer qu'il faut d'abord un travail de fond au niveau cadre légal et réglementaire, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau observation et bien d'autres. Il y a des politiciens qui sont en exil. Je vous rappelle que même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, avant de rentrer, après les fameux accords de cessez-le-feu, étaient protégés par des militaires étrangers. Est-ce que ceux qui sont en exil aujourd'hui... Pensez-vous qu'ils n'en ont pas à se venir? Ils ne s'en souviennent pas parce qu'ils prétendent que les autres peuvent rentrer comme si de rien ne s'était passé en prenant l'exil. Il faut qu'ils se remettent dans la peau de ceux qui sont en exil aujourd'hui. Pourquoi sont-ils rentrés sous la protection de la communauté? Je reviendrai vers vous, M. Tassien. Je passe la parole à Olivier Nkurunziza. Vous admettez que vous travaillez dans la droite ligne de la feuille de route vers les élections de 2020, y compris à Kayanza. Mais il y a Tassien qui avance certains préalables pour arriver justement à ces élections crédibles, mais également en vue d'assainir le climat politique ici au Burundi. Est-ce que pensez-vous que ces inquiétudes ne sont pas fondées telles qu'elles sont posées, aujourd'hui? Bon, avant de répondre à ces inquiétudes, je voudrais d'abord informer à la population burundaise que le parti Iprona, bien sûr, il est le signataire de la feuille de route de Kayanza. Et c'était moi qui était là à Kayanza et je faisais partie de l'équipe de rédaction de la feuille de route. Alors, avoir les grandes désarticulations de la feuille de route de Kayanza, nous avons essayé de mettre presque tout, parce que ce que Tassien vient de dire, ça se trouve dans la feuille de route de Kayanza. Quand on était en train de voir quels sont les cadres légaux des élections, on a montré ces cadres légaux des élections, cela bien dedans dans le feuille de route de Kayanza. Et nous avons aussi, il a parlé de l'environnement propice, nous avons proposé aussi, ce qui concerne l'environnement propice, comment nous avons entendu et tout ce qu'il a dit qu'il faut qu'il y ait la garantie, qu'il y ait la participation de tous les partis politiques et les indépendants. On a donné. Est-ce que les titres ne peuvent pas être les mêmes, mais finalement, le contenu peut différer par rapport au détail? Je vais y arriver. C'est parce que, tenant compte de l'invitation, nous sommes ici pour comparer les deux faits et voir que réellement il y a des points de convergence ou de divergence. Au niveau du parti Iprona, alors, avoir ce qu'on a proposé dans la feuille de route de Kayanza, on avait essayé de tout mettre. Mais ce qu'on a refusé le jour de Kayanza, c'est ce qui revient toujours, même c'était à Ngurudoto dans la quatrième session, dans la feuille qu'on avait donnée, il n'y a rien de nouveau. Parce que quand on parle, quand on regarde dans les propositions, quand on regarde qu'il faut qu'il y ait une institution consensuelle, en d'autres termes, c'est pour dire qu'on veut un gouvernement de transition. Le parti Iprona nie tout cela. Parce que revenir sur le gouvernement de transition, ça sera de retourner en arrière et de bloquer le processus électoral de 2020. Parce que nous sommes à peu près à une année, 6 mois des élections. Alors, au niveau du parti... Mais à votre avis, si on parle de gouvernement de transition, on peut faire allusion au ministre ou faire allusion au poste de responsabilité. Au fond, est-ce que c'est... En quoi c'est vraiment... Quand on dit le gouvernement de transition, c'est chambardé presque tout. Il faut commencer l'administration. Ça commence par rapport à la base. Il y a les administratifs, il y a le chef de colline, il y a les parlementaires, il y a tout, tout. On a vu avec la mise en place de gouvernement de transition depuis longtemps les mécanismes et les procédures dont on doit emprunter. Si on fait allusion à tout cela, est-ce que vous pensez que réellement tout ce qu'ils ont proposé, tout cela, trouve qu'avec l'échéance qui nous reste, qu'ils veulent exactement les élections de 2020? Alors, avoir même ce qu'on a proposé, à entendre ce que M. Tassier vient de dire, on n'a pas répondu à la question de facilitateur, parce que le facilitateur, il disait qu'il faut voir les propositions qu'il faut mettre pour donner feuille de route équivalente. Et il dit qu'on n'a pas besoin de feuille de route, qu'on a besoin d'autres choses. Alors, pour moi, je trouve qu'effectivement, quand on parle de feuille de route, je pense que vraiment est encore très nécessaire d'harmoniser tout ce qu'on veut pour bien comprendre effectivement la question de la même manière. Est-ce qu'on veut que réellement en 2020 il y ait des élections? Quand on se donne l'échéance de 2020, tout ce qu'on peut se donner, c'est discutable et ça peut, on peut aborder à tout cela. Si honorable Tassier, si vous m'en parlez notamment par rapport à la sécurité pendant les élections avant, mais également la sécurité des personnes, notamment les opposants, et qu'il pense même aux forces étrangères pour sécuriser les politiciens qui rentrent au pays. Vous, comment vous avez planifié, par exemple, la sécurité de ces personnes au niveau de ce que nous avons proposé? Nous avons d'abord la sécurité est une condition sine qua non pour que les élections y aient. C'est vraiment très incontournable. Mais alors, pour sécuriser, les hommes politiques, on a bien proposé. Vous savez qu'au Burundi, aujourd'hui, nous avons la force bien intégrée avec toutes les forces rebelles qui étaient là. C'est vraiment une force de défense. Est-ce qu'ils ont empêché les politiciens de prendre l'exil? Et les Tutsis aujourd'hui. Même dans la feuille de route, on dit qu'il y a même des militaires qui sont les partisans de l'opposition, j'ai lu. Alors, pourquoi ne pas aller, une fois arrivé au Burundi, trouver des militaires qui sont leurs partisans et les mettre là? Ça, c'est vraiment une réussite qui a été au Burundi pourquoi, d'avoir une armée. Pourquoi ces militaires ou policiers ne les ont pas empêchés de marcher en arrière? Oui, ça sera marcher en arrière. Nous accueillons honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Isaronya Frodebu, qui vient de nous rejoindre dans cette émission en mosaïque. Honorable Léonce Ngendakumana, vous venez d'Arusha. Et aujourd'hui, se demande, il y a deux feuilles de route. Et également, il y a l'envie pour tous les politiciens de participer aux élections de 2020. Mais pensez-vous que c'est possible pour le bien de tous les Burundais? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a deux feuilles de route? D'abord, est-ce qu'il y a deux feuilles de route pour... Il y a des avis proposés par l'opposition et ceux contenus dans la feuille de route de Kayanza. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Ce n'est pas des intérêts qui sont visés. Ceux qui sont au pouvoir veulent s'éterniser dans les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Et ils se soucient essentiellement de ce qu'ils appellent de feuille de route pour aller, encore une fois, partager quelques postes. Ça, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui sont préoccupés aujourd'hui par la situation politique, sécuritaire, économique et sociale qui prévaut dans ce pays. C'est l'avis aussi d'Olivier. Lorsqu'il parle qu'il ne veut pas un gouvernement de transition, c'est qu'il y a des prétendants au poste parce qu'il dit que ça va chambarder tout le système institutionnel. Ça dépend de ce qu'on appelle un gouvernement de transition. S'il s'agit d'un compromis pour bien préparer et organiser des élections qui soient crédibles et qui honorent notre pays, qui honorent notre peuple, bon, les gens peuvent s'entendre. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'abord de mettre un terme à cette crise qui prévaut dans le pays. L'important aujourd'hui, c'est de voir les réfugiés rentrer dans le pays. L'important, pour qu'ils participent aussi à ces élections. L'important est de voir les prisonniers politiques être libérés. L'important est de voir notre pays avoir... trouver sa place dans le Conseil des Nations. Oui, une mais image qui ne, positive. Mais qui ne le veulent pas, ils sont Burundi. L'important est de voir cette pauvreté, cette misère, ce chômage qui accable la population diminuer. Mais il y en a qui font une course pour accéder aux postes, pour rester dans les postes qu'ils occupent. Nous les attendons au tournant. Il faut bien préparer un terrain favorable à la préparation et à l'organisation des élections, surtout que le pouvoir en place et ses alliés nous ont toujours dit que les élections mal préparées, mal organisées, débouchent sur des monstres, sur des crises, où il y a même des assassinats. Et ils sont en train de répéter la même chose qu'ils nous ont régulièrement enseigné de ne pas faire. Pourquoi vouloir précipiter des élections dans un contexte de tension sociale dans le pays, dans un contexte où il n'y a même pas de compromis sur les orientations à prendre pour préparer et organiser ces élections? Maintenant, vous parliez d'Arusha. Vous parliez d'Arusha. Tout ça, ça a été discuté. Est-ce qu'ils étaient là pour discuter et conclure une feuille de route? Vous avez parlé de feuille de route. On ne peut pas aller aux élections avec des feuilles de route. Il fallait qu'ils soient là. Surtout qu'ils nous ont dit que pratiquer la chaise vide quand on vous appelle, que c'est très dangereux. Il est dedans. Est-ce qu'il était là pour qu'on puisse conclure une feuille de route de compromis? Je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas les raisons qui l'ont poussé à ne pas venir là-bas pour conclure un dialogue qu'ils ont commencé eux-mêmes à Kampala. Juste une minute, on va passer la parole à l'ambassadeur. On n'a pas répondu à l'invitation. Bien sûr, la facilitation avait envoyé l'invitation au parti Uprona, mais à voir que le gouvernement, qu'on devrait adresser toutes ces questions qui sont en train de poser ici à la radio, que ce gouvernement n'a pas répondu. Pourquoi? C'était inutile. Pourquoi? Mais ça a été posé. Ça a été également. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas au gouvernement. Le premier vice-président n'est pas membre du gouvernement. Avec un parti, le confondé au gouvernement. Il n'est pas le gouvernement. Si vous voulez confondre le parti gouvernement, c'est ça. Allez à Ngordoto pour produire d'autres feuilles que vous vous amenez ici. Alors vous êtes en train de dire que ça n'a pas abouti à quelque chose. C'était inutile d'y participer, c'est bien confirmé. Est-ce que si le parti Iprona était à Arusha, on allait conclure? Donc vous avez agi par anticipation. Oui. Pour moi, j'ai anticipé pour répondre à la question. Parce que le gouvernement n'était pas là. Mmh. Il n'y a pas de distinction. Si demain, après demain, on dit que vous êtes ensemble avec le gouvernement, il ne faudra plus le nier. Je passe la parole à l'ambassadeur Anatole Vachanam. Merci, monsieur le journaliste. Et je viens d'écouter les propos de notre ami vice-président d'Ifrodeo. J'ai écouté également les propos de notre ami qui représente Iprona Mizero. Amizero Yabarundi. Oui, c'est ce que je veux. Je dois dire que nous ne sommes pas dans le même domaine de définition. C'est vraiment étonnant ce que je viens d'entendre. La première question que moi je dois me poser, est-ce que vraiment les gens veulent que nous arrivions aux élections, oui ou non? Parce que si j'écoute surtout notre ami Tassien, il vient de mettre sur table beaucoup de préalables. Des préalables qui, dit-il, s'ils ne sont pas remplis, ils n'iraient pas aux élections. Il n'y aurait pas... À mon lieu et place, monsieur. Non, je suis en train de rapporter tes propos. Rapporte ce qui est les propos du FNL et du gouvernement. Au niveau du parti FNL, nous sommes étonnés d'entendre de tels préalables au moment où il reste seulement moins de 2 ans pour les élections. Si je répète un peu, il dit qu'il faut une nouvelle mise en place d'un nouveau cadre de dialogue si jamais le dialogue à Arusha échoue. Il oublie qu'il y a déjà eu un dialogue au niveau national. Du CNDD et de ses alliés, c'est tout. Moi, je pense. Je n'ai jamais été invité, Léonce non plus. Honorable, le dialogue qui a eu lieu au Burundi a attirer toute la population burundaise. Ce n'est pas vrai. Je pense que la grande majorité de la population burundaise a participé à environ 80%. De la population burundaise? À mon avis, oui. 80%, ça veut dire plus ou moins combien de millions? Près de millions. Même le rapport, tu n'auras pas dit, tu commences à donner des 26 000 personnes qui ont répondu. Ça, c'est dans le rapport. Comparativement aux 12 000. 26 000 personnes qui ont répondu, plus les échos. Parce que quand ils sont là, toute la population suit. Moi, j'étais d'ailleurs encore en Europe, mais je sais ce qui s'est dit dans le dialogue national. C'est pas le 26 000 personnes. C'est pourquoi tu avances des données fausses, justement, je comprends. Bon, je continue un peu. Il dit que il y a beaucoup de préalables. Il dit même que les radios ne sont pas là. Nous sommes ici à Radio Isanganiro. Vraiment, moi, je trouvais que nous sommes en train de parler est-ce démocratiquement. Elle était seule quand... Il y a d'autres radios qui ne sont pas là, qui émettent à travers d'autres pays. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit des exemples de radios à présenter. Honorable, Tassien souhaite plus de pluralité dans les médias. Et c'est un des aspects de la démocratie. Bon, il souhaite la pluralité dans les médias, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense quand même qu'au Burundi, par rapport aux autres pays que je connais, je ne pense pas que nous sommes très mal lotis. Ah bon? Et ça, vraiment, je peux vous l'assurer. Et voilà. Donc, il pose beaucoup de préalables. Il dit qu'il faut aussi un environnement préélectoral favorable. Si je l'entends bien, s'il n'y a pas de cet environnement favorable, il ne participait pas aux élections. Il ne faut pas conclure à ma place. Est-ce que les préalables dont je vous ai parlé ne sont pas nécessaires, oui ou pas? C'est la question. Vous n'avez pas la parole, autrement monsieur l'habitatien. C'est moi qui ai la parole. Vous avez été un peu long. Moi, j'ai été si à ma cour parce que je voulais que la parole soit bien partagée puisque nous sommes en démocratie. On vous demande, est-ce que les préalables dont on parle ne sont pas nécessaires? Je préfère l'attitude du président du Frodebou. Lui aussi, je l'ai cité, il va avoir sa parole. Vous aurez également votre parole, honorable Tassio. Parce qu'on a parlé de feuille de route et de Kayanza. La feuille de route de Kayanza n'est pas tombée à l'air. La feuille de route de Kayanza se base sur plusieurs textes. La feuille de route de Kayanza se base d'abord sur la déclaration des députés de l'East Africa Community qui connaissent bien la situation au Burundi. Ils ont fait une déclaration. Ça, quelle est force cette déclaration? Ils ont fait une déclaration et ils ont stipulé qu'au Burundi, il y a la sécurité. Juridique. Il y a aussi la feuille de route. Mais concrètement, si vous permettez de vous interrompre, en quoi la feuille de route de Kayanza répondrait aux inquiétudes de l'honorable Tassien? Je ne sais pas s'il a encore lu. Moi, je vois par exemple le point 21. Revenez au point 21. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les hommes qui ne sont pas poursuivis, qui ne sont pas dans le putsch, peuvent participer aux élections. Et les exilés qui sont dans les pays limitrophes ou en Europe n'ont pas tous participé au PUJ. Donc, ils sont éligibles. Ils peuvent venir. Il n'y a pas de souci. Le point 22 insiste sur le rapatriement des exilés. Ça, c'est toujours au niveau de la feuille de route de Kayanza. Mais ce sont des déclarations d'intention, concrètement. Comment est-ce que tu peux dire que c'est pour intention? Moi, je dirais aussi que les déclarations que vous venez de donner ici ne seraient pas valables. Non, détaillons. Qu'est-ce que nous entendons par les conditions sécuritaires? Qu'est-ce que nous entendons par conditions politiques? Les conditions sécuritaires, chers amis Tassien, les conditions sécuritaires, chers amis Tassien. Mais ici, ce sont des déclarations. Ici, au Burundi, nous sommes dans un État qui fonctionne normalement. Et sera notre point de divergence avec le parti FNR, parce que c'est vrai qu'il y a eu crise en 2015, mais par rapport 2015-2018, moi je pense encore qu'il y a une évolution qui est reconnue par tous, pratiquement tous. Et s'il n'y a pas d'effet négatif qu'il faut d'abord extorsiser, monsieur? Bien sûr, tout n'est pas rose. Ambassadeur Anatole, au niveau de l'opposition, on réclame surtout un nouveau cadre de dialogue. On réclame un cadre légal et consensuel des élections. On réclame un environnement préélectoral favorable pour tous les politiciens. Est-ce que ces points de vue de l'opposition ne sont pas pour vous fondés? Et par rapport à la réalité, pensez-vous qu'il n'y a rien à améliorer en vue de satisfaire les doléances et de dotations et de... Bien sûr que la feuille de route de Kayanza a laissé une porte ouverte. Une petite ouverture. Il y a une porte ouverte pour les autres, les autres doléances de l'opposition que moi j'appelle radicale. Mais quelle est l'autre position par rapport à celle que tu appelles radicale? Est-ce qu'il y a une autre position qui n'est pas radicale? Oui, il y a l'opposition politique extra-parlementaire. On l'a vu. On l'a vu quand vous honorable Tassien, laissez l'ambassadeur, il a une minute pour conclure son argument. Oui, oui. Moi, je pense que tant que nous ne sommes pas dans un domaine de définition, que M. Tassier dit qu'au Burundi, vraiment, c'est la crise, alors que nous sommes ici, moi, je suis ici au Burundi depuis plus d'une année, je trouve que la situation au Burundi n'a rien à envier aux autres pays que j'ai visités. J'étais au Sénégal, j'ai été en Belgique. Moi, je trouve que la situation au Burundi est normale. Ah bon. Si, qu'est-ce que vous trouvez fondé par rapport aux arguments de Tassier? Je n'en vois pas beaucoup. Je ne sais pas vraiment. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Que vraiment c'est... Qui ne sont pas d'autre façon. Même si tu vas dans le pays où la sécurité serait, je ne sais pas, un pays où la sécurité serait totale, et que tu poses tant de préalables, ma conclusion, c'est que ça m'étonnerait qu'il soit favorable aux élections. Allez, bon, la seule chose que, quand même, je peux noter dans ce qu'il a dit au niveau des préalables, il parle d'observateurs. Les observateurs, ça, c'est valable. Ça, c'est quelque chose pour laquelle on pourrait s'entendre. On continue à faire des efforts. Les forces de l'ordre pour sécuriser les opposants qui rentrent de l'exil, pour vous, ça ne vaut pas. Non, là, je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Moi, je ne pense pas que les opposants qui sont en exil ont besoin d'une force spéciale de protection. Parce que l'environnement, le contexte est différent de ce qui s'est passé dans les années antérieures. Comment? Où nous avons vu les Sud-Africains venir ici. Moi, je peux même vous dire que parmi les opposants, qu'ils soient à l'étranger, s'ils rentrent, personne même ne le saura. Ils vont venir pratiquement incognito, Même le petit David est en prison. Mais tu veux croire que les autres ne seront pas. Justement, tant que l'on parle du retour des opposants, est-ce que vous pensez que c'est rassurant de rapatrier le dialogue inter-Burundi? Absolument, absolument. Si le gouvernement du Burundi prend cette mesure de rapatrier le dialogue au Burundi, c'est au Burundi qui incombera la sécurité de tout le monde. Si jamais il y a un opposant qui rentre, qui avait un problème... Pensez-vous que ce travail revient au gouvernement burundi? Oui, pour sécuriser tous les rapatriés qui viendraient. C'est tout à fait clair. Parce que les forces de l'ordre du Burundi, les forces de sécurité sont en mesure d'assurer la sécurité de tous les citoyens qui rentrent au Burundi. L'émission, c'est Mosaïque, et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous essayons de détecter les points de divergence et de convergence entre deux propositions, notamment celle du gouvernement et de l'opposition autour du dialogue inter-burundais qui se déroule à Arusha. Dans notre studio, nous sommes avec quatre invités. Ambassadeur Anatole Bacanamo, chargé de la communication au bureau exécutif du parti FNL. Nous sommes aussi avec Honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. Nous sommes aussi avec Honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero Yabarundi, et Olivier Mourunziza, secrétaire général et porte-parole du parti UPRONA. Tassien Sibomana, aujourd'hui, vous avez émis des idées qu'il faudrait suivre pour le dénouement de la crise politique au Burundi, ou même certains disent, notamment pour FNL, qu'il n'y avait pas de crise politique et que tout est bien. Mais aujourd'hui, entre l'offre de l'opposition et celle du gouvernement, trouvez-vous des points de divergence et de convergence? Il n'y a aucun point de convergence. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette fameuse lettre de feuille de route de Kayanza ne constitue qu'une liste de déclarations d'intention. Mais si, on dit que dans les 40 points, il y a également vos préoccupations. Qualifier de principe. Dire, reconnaître qu'il n'y a pas d'homme politique poursuivi, excepté les putschistes du 13 mai, déjà identifié par la justice burundaise, ça veut dire quoi? On change de liste suivant les humeurs. Qui fait cette liste? Quelles sont les enquêtes? Quelles sont les principes consacrés par la science à la matière on rallonge la liste, on diminue le nombre de personnes figurant sur la liste. L'année passée, on en était à 5, aujourd'hui, on est revenu à 35, donc ça change suivant les humeurs et suivant ce qui est recherché. Alors, on dit ici, continuer à adopter des mesures encourageant le retour des acteurs politiques exilés, notamment la facilitation de la patrie. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour faciliter ça? C'est ce que je vous dis, ce sont des intentions qu'ils ont mises sur papier, sans montrer les propositions concrètes en termes de faisabilité. Est-ce qu'au moins vous reconnaissez que l'intention est bonne? On dit, la mise en application de tout ce que vous avez mis ici, c'est un combat qui, quelle est la faisabilité? Quand vous dites réaffirmer l'accord d'Arusha, réaffirmer le respect de l'accord d'Arusha dans certaines dispositions, quelles sont celles qui ne sont pas à protéger? Donc, vous comprenez que quelque part, effectivement, nous ne sommes pas dans le même domaine de définition. Je suis tout à fait d'accord vous avec l'ambassadeur Anatole. C'est ce que j'ai dit tout au début. Il y a d'abord la première des choses, reconnaître que les élections à venir peuvent constituer une sortie définitive de la crise. Des élections de 2020. Ça, c'est ton point de vue. Moi, je parle des élections à venir. De 2020. C'est un droit. Moi, je parle d'élections à venir. Alors, c'est une dernière étape de sortie de crise. Et il faut bien la négocier pour réellement sortir le Burundi de la crise. Si on entre la tête baissée, on risque de plonger définitivement le Burundi dans la crise. Qui sévit encore? Alors, si ces gens ne reconnaissent pas qu'au Burundi, il y a eu crise, que le contentieux électoral de 2015 n'a pas encore été vidé, bien sûr que nous ne sommes pas dans le même domaine de définition. Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il y a crise, le Burundi n'a plus de financement extérieur. Est-ce que ce n'est pas un aspect qui interpelle plus d'un? Monsieur l'ambassadeur, les Burundais sont victimes des sollicitations tout azimut en termes de contributions. Est-ce que c'était la même situation? En Europe, il y a beaucoup de contributions. Ça n'a rien à voir avec les contributions d'ici. On vous a déjà demandé en ce instant à contribuer pour les élections. Mais le gouvernement pense que cela n'a pas empêché qu'il fonctionne. Aux élections. Ça, qu'est-ce que vous appelez fonctionnement? Même un malade mental continue à marcher. Même quelqu'un qui boite, il marche quand même. Mais moi, je voudrais qu'il nous donne ces facteurs de crise. Quels sont les facteurs qui montrent qu'il y a la crise au Burundi? Il vous répond. Ce n'est pas l'objet du débat. Mais si tu veux qu'on fasse. Je vais vous citer toutes les multitudes. Parmi les réfugiés, il y a des réfugiés volontaires qui nous rentrent. Je continue la réponse. Donc, c'est honorable. Il y en a qui sont contents. C'est honorable. Qui sont contents d'être là? Je te jure. C'est honorable. Même si on les appelle tous. Quand vous dites que plus de 500 000 Burundais ont pris fuite suite aux rumeurs. Non, je ne dis pas tous. C'est ce qui est écrit. Que parmi les réfugiés, il y en a qui ne veulent pas rentrer. C'est ce que vous écrivez dans cette histoire de feuille de route de Kayanga. Donc, effectivement, nous ne sommes pas dans le même domaine de définition, messieurs. Deuxième aspect qui montre que nous ne sommes pas dans le même domaine de définition. Mais vous avez cette obligation d'être dans le même domaine de définition pour l'intérêt du Burundi. Il faut être obligé de bien faire et non pas de suivre moutonnièrement ce qui n'est pas vrai, ce qui ne suscite qu'un intérêt du peuple. Je passe. Deuxième aspect, c'est effectivement le cadre légal. Le cadre légal a un chapeau. Quel est ce chapeau? Nous, au niveau de l'opposition, on assume et on le réassumera même demain que nous voulons que le chapeau de tout ce cadre légal soit l'accord d'Arusha. Parce que... Pourquoi pas la constitution du Burundi? Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que même ces gens alliés au pouvoir, et même le pouvoir, lors du dialogue, de la quatrième session du dialogue interburundais en cours d'auto l'année passée, et le texte, le document est là, tout ce monde-là, y compris l'opposition, s'était accordé sur le fait que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi constitue le socle de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Est-ce que, si réellement ils sont conséquents avec eux-mêmes, si nous reconnaissons cela, pourquoi ne pas garder l'accord d'Arusha comme la base légale qui fonde tous les autres textes inférieurs? Est-ce que c'est le cas? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Que même tout l'équivoque qui était autour de la suprématie entre l'accord d'Arusha et la Constitution, maintenant c'est levé. On veut se baser sur la Constitution. Voilà. Qui a fait ça? Le gouvernement. Ceux qui veulent enterrer l'accord d'Arusha, justement. Sinon, l'accord d'Arusha devait garder la suprématie sur la Constitution. La nouvelle constitution met en mal, justement, sinon met au rencard l'accord d'Arusha. C'est ça que nous avons démontré. Et c'est pourquoi c'est la deuxième raison qui montre que nous n'avons pas, effectivement, le même domaine de définition avec le pouvoir et ses alliés. Qui a dit que l'accord d'Arusha expirait? Je vais terminer par deux aspects. Une minute. Oui. Deux aspects seulement. Quand on commence à parler de processus électoral, sans être piégé dans le sens de dire feuille de route, ces gens sautent sur le toit en disant ils veulent des institutions de transition, gouvernement de transition. Comme le vice-président du Front Debout l'a dit, nous, nous ne sommes pas intéressés par ces strapontins de poste. Je vous le dis, il faut d'abord défendre la cause qui peut sortir le Burundi de la crise. Mais par exemple, s'il y a possibilité d'un gouvernement de transition... Je pose seulement la question qui se pose. Est-ce que les conditions légales, les conditions sécuritaires, les conditions politiques, les conditions d'observation des élections crédibles, qui se veulent être crédibles, paisibles, démocratiques, inclusives, est-ce que nous avons les institutions aujourd'hui qui peuvent nous garantir cela? C'est ça la grande question. Au niveau de l'IPRONA, sinon, et de ces histoires de questions de transition pour nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. La question de fond, est-ce que ces institutions que nous avons. Est-ce que tu dis qu'au Burundi, il n'y a pas des institutions peuvent garantir ces élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes? Il y en a quand même. Il ne faut pas nier qu'il y a des institutions ici au Burundi. Il ne faut pas conclure sur ce que je n'ai pas dit, monsieur. Bah, tu bien il faut savoir répondre toi-même à la question qu'on te pose. Non, il ne faut pas pour ce qui me concerne, je vais défendre ma cathédrale. Il faut défendre la tienne. Non. Moi, je pose seulement la problématique. Sommes-nous en mesure d'être rassurés que les institutions actuelles peuvent nous garantir un processus électoral crédible qui répond aux normes et standards internationaux, si on veut dire inclusivité, paisibilité ou sécurité, et environnement politique, environnement légal. Loin de là. Ambassadeur Anatole dit qu'il ne voit rien d'inquiétant par rapport aux arguments avancés par Tassien Siomana, par rapport au contexte pour préparer les élections. Olivier Mounouziza, vous avez toujours dit que les points souvent évoqués par l'opposition ont été évoqués au niveau de la feuille de route. Aujourd'hui, quelle est la ressemblance entre les deux propositions, celle du gouvernement et celle de l'opposition? Bon, pour moi, d'abord, je voudrais dire que la feuille de route, c'est la façon dont il est libellé. Ça ne diffère pas par rapport à la feuille de route, par exemple, de 2013, qui a été signée à Kayanza. Si on regarde la façon dont cette feuille de route a été libellée, avec la feuille de route que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, alors qu'on a pris même... Attendez, qu'on a pris même les éléments. Non, quand il dit... Non, ça a été du copier-coller. Attendez, c'est pas du copier-coller. Il y a des éléments qui restent toujours à appliquer pendant les élections. Est-ce que la fête de 2013 a été respectée par hasard? Attendez, c'est ce que je veux dire. Quand il dit que la feuille de route ne devrait pas être libérée de cette manière, que ce n'est pas détaillé, on a bien sûr des choses comment on peut les détailler après la feuille de route. Pour dire que, pour moi, ce qui m'intéresse, on a tout mis dans la feuille de route de Kayanza. Même quand il vient de dire que l'accord d'Arusha n'est pas accepté, au moins qu'on a bien dit que les éléments fondamentaux qui ont garanti la sérénité et de la population burundaise soit gardé, on a mis ça. Bien sûr, tout ce qu'on avait dit à Arusha, quatrième session, était là. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes, bien sûr, il doit y en avoir. Nous l'avons dit, chaque fois quand il y a à l'approche des élections, qu'il y a un comportement et qui peut changer d'un moment ou d'un autre, c'est la raison pour laquelle on a même mentionné qu'il faut que les partis politiques et les indépendants, même aussi les coalitions des partis politiques qui seront là, soient prudents pour leur jeunesse, pour que leur comportement soit bien, vraiment, bien maîtrisé. On a mis tout cela. Mais on a même... Mais vous n'admettez pas l'argument de Domilis. Vous permettez... Dites-le, Domilis, attendez. Permettez un petit tout ce que j'ai posé la question à Olivier. Je vais revenir vers vous. Tous les aspects, on y mettait une histoire de dire consensuel. C'est sous forme de lettre. C'est une forme de lettre. Ça apparaît quelque part. C'était pour dire il ne faut pas mentir les auditeurs. Ce que je suis en train de dire, ce sont les éléments qui se trouvent dans le feuille de route de Kayanza. Moi, je l'ai. Alors. Je ne sais pas. Il a bien même lu tout cela. Alors pour moi, ce qui m'importe. Tassien avance pour... que c'est une intention attendez, et que la réalité attendez, est tout autre. Ce qui m'importe, c'est clair. C'est que M. Tassien, il dit que dans les élections à venir, en d'autres termes, pour montrer qu'ils ne sont pas prêts à aller dans les élections de 2020. quand quelqu'un regarde dans cet angle, c'est pour dire qu'en 2020, il n'y aura pas des élections. C'est-à-dire que même la façon de préparer les élections ne doit pas doit être la même. Parce qu'aujourd'hui, il faut se limiter dans le temps pour voir que, à condition, là où nous sommes, on a déjà mis en place la CENI. Nous sommes aujourd'hui à la discussion de voir comment mettre en place code électoral. C'est ça là où nous sommes au niveau du parti. C'est la logique du forcing. C'est la logique de celui qui sera dans les élections de 2020. Honorable Léon Singendakroumana, vous avez fixé beaucoup Olivier Nkurunziza alors de son argumentaire. C'est comme si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qu'il avance. Vous, est-ce que pensez-vous qu'il y a moyen de trouver une ressemblance, si du moins pour certains c'est trop divergent entre les deux propositions? Non, il me surprend. Non. Laissez-moi dire ce que je veux dire. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat Corodarucha constitué. Et je vais d'abord remercier, féliciter l'ambassadeur. Il a dit quelque chose de très important. Nous ne sommes pas dans le même domaine de définition. Ça, c'est une... Exactement. Il est difficile de ceux qui veulent les élections et ceux qui ne le veulent pas. Alors, ne le veulent pas. Nous, au niveau de l'opposition, notre document était intitulé. Donc, c'est un document de proposition, de voir de sortir d'abord de la crise. Ensuite, de bien préparer. Mais pour Olivier, une crise qui n'existait pas. Il peut le dire. C'est là où je me surprends. Mais ce n'est pas grave. Je sais pourquoi. Ce n'est pas grave. Alors, pour nous, Il faut d'abord. Des problèmes je sais politiques. Pourquoi. Pour nous, il faut d'abord s'intéresser à la crise. Ensuite, créer un environnement. Et après, aller aux élections apaisées. Oui. Aux élections crédibles. Moi aussi, je suis. Comprenez. Je suis totalement. C'est ça le schéma. Je de notre suis document. Totalement pour. Alors, si ces gens se focalisent uniquement sur le partage de postes à travers des élections, vous donnera, mes chers amis, le pays est foutu en ce moment, puisque vous êtes censé être représenté au plus haut niveau du gouvernement, à savoir que vous avez un premier vice-président de la République. Moi, je suis ici pour le compte du parti prenant mais en particulier, de la première vice-présidence. Donc, dirigé de manière personnalisée, d'ailleurs. Pas du tout. Ça c'est vraiment... Hein? S'ils sont focalisés uniquement sur le partage des postes de responsabilité à travers des élections comme ça, négociées, ils veulent des élections négociées, on le voit à travers les textes qu'ils écrivent, et que nous sommes dans l'autre... vision de voir un Burundi stable, apaisé, où tous ces citoyens cohabitent pacifiquement, indépendamment de leurs appartenances. Exactement. Indépendamment de leurs appartenances, il faut d'abord négocier l'unité et la cohésion du peuple burundi. Le gouvernement a produit ce qu'il appelle une feuille de route à Kayanza en 30 minutes. Ils sont en train de comparer cette feuille de route avec la feuille de route qui a été préparée pendant 3 jours. Avec l'appui de tout le monde. Ouais. Tous les partis politiques étaient présents, la communauté internationale était présente. Qu'on le fasse dans 30 minutes ou dans une semaine, l'essentiel, c'est la matière. C'est quelque chose qui pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? C'est la matière. C'est quelque chose qui a été imposé. J'étais parmi le groupe qui a rédigé tout ça. Vous l'avez rédigé où? À Kayanza ou ailleurs? J'étais là à Kayanza. Grosse tête. On a pris presque tous les éléments qu'on avait établis depuis longtemps. Quand on était en Gorodoto, quand on était dans les différentes réunions de partis politiques, débat, on a pris et on a mis dans la feuille. Le débat que je veux que nous menions ne se trouve pas au niveau. Exactement. Ça, c'est votre feuille de route. Exactement. Nous avons notre proposition. Mmh. Il faut trouver une voie de compromis. Alors, la voie qui était indiquée, c'était de répondre au dialogue inter-burundi pour conclure. Est-ce que vous ne voulez pas que ce dialogue soit conclu? Alors, exactement. Les raisons qui ont été avancées sont multiples. Mm-hmm. Et ils ont avancé la raison dans deuil. Au niveau de FNL. Oui, oui. Mm-hmm. J'ai écouté le président de FNL. Mm-hmm. Le deuil. Et mais je me suis interrogé. Comme si c'était la première... Attendez. Je me suis posé la question. Maintenant qu'il est là, il va me répondre, j'ai de la chance. Ils organisent un deuil pour faire président Mekiru Ndadaye, dans moi. Sans indiquer le parti. Le parti FNL organise un deuil pour faire président Mekiru Ndadaye. Ce n'est pas le gouvernement. En dès que le parti Savonia fait debout. Nous n'avons pas été informés. J'ai posé la question à la famille du président Mekiru Ndadaye. Il n'a pas été informé. J'ai posé si au niveau du pays, on a mis les drapeaux en berne Je n'ai pas eu de réponse. Alors, comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour organiser un deuil d'un président auquel nous avons le gouvernement CNDD-FDD, le parti Frodebout, la famille du président Melchior Ndadaye? Nous nous sommes convenus et nous avons procédé au lever de deuil définitif. Définitif. Alors, le FNL, qu'est-ce qu'il a piqué? Voilà. Pour organiser là, un deuil. Là, je vais répondre. Attendez. Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas informé? Il prenait cette association. Je vais demander une question. 30 secondes pour 30 secondes. Oui. Non, il ne faut pas. Nous avons organisé ce deuil. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Ndadaye, c'est un homme public. Non seulement un homme public, Ndadaye, c'est notre ami. Au parti FNL, nous considérons le président Ndadaye comme un grand homme et nous avons le droit de souffrir quand nous nous rappelons de comment il a été tué. Et nous avons décidé, au niveau du parti FNL, de considérer ce mois comme un mois vraiment sacré. Nous n'avons pas demandé au gouvernement, nous n'avons pas demandé à sa famille. C'est en 2018, mais quand même, nous avons fait une déclaration qui est passée à la. Honorable Léonce, continue. Alors, est-ce que vous êtes informé que votre président a donné un autre argument qu'il ne va pas participer à ce dialogue puisque le gouvernement n'y était pas? Ça peut être des arguments. Deux arguments. Ça ne doit pas être un seul argument. Non. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que le gouvernement et le parti FNL ne soient pas à Arusha. Vous étiez ensemble avec le gouvernement. Sur ce point, nous convergeons. Vous étiez ensemble en prenant ces décisions. Oui, nous nous sommes concertés. Et le gouvernement a organisé un deuil. Vous êtes concertés. Sur ce deuil, nous étions seuls. Mais sur les raisons qui ont fait que nous n'arrivions pas à Arusha, pour pratiquer la chaise vide, vous êtes concerté. On n'a pas pratiqué la chaise vide. Vous étiez là. On a tout suivi. D'où? Mais on n'a pas voulu participer à ce moment-là. Accepter de discuter avec l'opposition dans des cadres appropriés, d'où la conclusion d'une feuille de route commune qui nous conduit vers des élections apaisées. On parlait de libre, transparente et démocratique. J'adhère à cette philosophie, même si je n'y crois pas, qu'on puisse les avoir aujourd'hui au Burundi. Est-ce qu'ils sont prêts, ils sont d'accord à participer à des séances de conclusion pour qu'on ait une seule feuille de route? Justement, si vous invitez le gouvernement, c'est que vous êtes déjà prêt pour parler ou discuter avec le gouvernement. Mais sur quelle base commune trouvez-vous que ça pourra faciliter de trouver une feuille de route commune? Il a bien dit, nous avons une feuille de route qui a été déjà en compromis, celle de 2013. Il suffit de nous pencher et l'améliorer. Sinon, ce qu'ils appellent feuille de route aujourd'hui, moi je l'ai lu. Si Tassien ne l'a pas lu, moi je lis profondément. Il contient deux aspects essentiels. Le premier aspect, c'est de glorifier le pouvoir en place. C'est de glorifier le parti CNDD-FDD. Donc, il lisait toute la conclusion de 22 ou de 23 points. Le deuxième aspect, c'est de condamner l'opposition, ce qu'ils appellent la colonie. Mm-hmm. Bon, c'est les rois. Dans cette feuille de route, on ne parle pas de colons. Regardez, on dit chaque fois que ce sont des étrangers. Il n'y a pas le mot colon dans la vidéo. Si tu trouves le mot colon dans ce texte. Ce sont ces étrangers-là que vous parlez, dans cette introduction. Par le mot étranger, il a déduit colon. Oui, je le sais. Tu as vas-y le répéter. Il n'y en a pas. L'opposition n'est pas d'aller travailler pour un homme qui s'appelle Leblanc. Les sanctions qui ont été prises injustement au gouvernement du Burundi, qu'il faut lever ça. Il n'y a pas ça. Il faut travailler sur la feuille de route de 2013 et l'améliorer. On a pris les éléments essentiels, on les a inversés. Qui les a pris? Nous, j'étais là. Vous, les partis politiques qui étaient. Notre parti était présent, mais n'a pas été associé. Il s'est vu imposer en texte préparé par le gouvernement. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas signé? C'est moi-même qui ai signé sur la feuille de route de Gaza. Tu as signé, mais tu ne savais rien du contenu. On a compris votre position. Améliorer la feuille de route. Orienter ce débat pour qu'on puisse s'entendre quand même, si on peut conclure, se rencontrer, conclure. Mm-hmm. Et comment? attendons la réponse à Monsieur Olivier. Est-ce qu'il répondra prochainement, puisque vous on n'a pas conclu pas à Arusha pour ce cinquième round et que quand est-ce qu'il viendra d'abord? Aujourd'hui, il recommande au gouvernement de s'asseoir, notamment pour discuter, notamment sur la base de la feuille de route de 2013 et l'adapter à la situation présente. Vous, comment envisagez une feuille de route consensuelle pour arriver aux élections 2020 et assainir le climat politique ici au Burundi? D'abord, avant de répondre, c'était pour montrer que, effectivement, ce que vient de dire, monsieur honorable, je le respecte très profondément. Nous, je n'ai pas signé aveuglément sur le document, parce que c'est le document qu'on avait préparé minutieusement. Avant, à ma conscience, vous savez. J'ai préparé même le jour. Vous savez le contenu de ce que sur lequel vous avez apposé votre signature. Il ne faut pas prendre les gens comme des aveugles de cette manière. Ça sera autre chose. Mais pour moi, le problème qu'il est en train d'évoquer, c'est ça ce que le parti Prona a évoqué. Aller en Gourdoto sans que le gouvernement est là, c'était vraiment perdre du temps. Condamné comme nous le gouvernement. Je pose la question à Olivier Nkurunziza. Au niveau de l'IPRONA, comment envisager une feuille de route consensuelle pour la sortie de la crise? Nous attendons toujours que la feuille de route soit. Quand la facilitation, bien sûr, a dit qu'il va acheminer feuille de route vers la réunion des présidents de le sommet des chefs d'État de l'EAC. On va attendre la décision qui sera prise. On invitera, toujours on sera là. Oui? Par les colons. Ah, le parti prend à chasser les colons, mais collabore avec tout le monde. le parti d'indépendance n'a pas peur de tous ces gens. Mais toujours le parti prend à collaborer avec tout le monde. Mais qu'est-ce que vous souhaitez? Au sommet, ce que nous souhaitons, il faut qu'il y ait toujours, bien sûr, les conditions nécessaires pour que les hommes politiques, bon, qu'ils soient de l'opposition ou même le gouvernement, s'assoient ensemble pour conclure. Parce que ça ne nous reste que quelques minutes pour terminer. Nous avons toutes les propositions. Ce que j'ai lu dans la feuille de route proposée à Ngurduto, avec la feuille de route de Kayanza, il y a vraiment les points de convergence. Il faut seulement qu'il y ait même domaine de définition. Vous avez pour la que tous ces gens pensent qu'il faut participer dans les élections de 2020 et non pas penser à une autre date. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller dans les élections. Dans ce cas, il sera difficile de faire une feuille de route des personnes qui veulent peut-être à une date ultérieure qu'on ne connaît pas. Je passe la parole à Honorable Tassien. Vous avez 2 minutes pour conclure. Comment envisager une feuille de route commune en vue de la sortie de la crise au Burundi? Merci. Il y avait un cadre et nous restons convaincus que ce cadre va continuer. Hormis l'échec peut-être de l'EAC. Parce que ce cadre qu'est le dialogue inter-burundais a été accepté par toutes les parties. Quand je parle de parties, je parle du gouvernement et ses alliés et de l'opposition. Et ça avait été accepté par l'EAC, l'Union africaine et les Nations unies. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'est pas allé à Ngurdoto comme ses alliés que le processus va s'arrêter pour autant. Ce n'est pas que l'EAC n'a pas manifesté de volonté que le processus va s'arrêter pour autant. De notre proposition, il nous faut un autre cadre de dialogue. Et c'est dans ce cadre-là que ce qu'ils appellent feuille de route, que nous avons décrit comme tout un processus électoral, peuvent être débattus et c'est dans ce cadre qu'on peut cheminer vers un compromis qui peut nous avancer vers un processus électoral que nous considérons, nous, comme la dernière étape de sortie de crise. Ambassadeur Anatole, même si vous reconnaissez que la situation est tellement bonne pour organiser de bonnes élections, est-ce qu'il y a moyen d'arrondir les angles et comprendre les inquiétudes d'Otacien et d'Honorable Léonce Ngendakumana pour une feuille de route consensuelle vers les élections 2020 et l'assainissement du climat politique au Burundi? Merci, je serai très bref pour cette question. Bien sûr que nous serions contents si les deux tendances pouvaient se rapprocher, mais permettez-moi vraiment de donner un conseil à nos amis de l'opposition. Je connais l'honorable Léonce, Tassier, je suis entré de le connaître. De le découvrir. De le découvrir, effectivement. Moi, je pense vraiment que l'opposition, je trouve que l'opposition burundaise doit apprendre à être modeste. Parce qu'entendre parler surtout notre ami Tassien, on dirait que l'opposition burundaise est vraiment un monstre, que c'est quelque chose de très solide, que sans cette opposition, Qu'est-ce que tu insinues par là? Je rappelle que l'opposition a boycotté plusieurs élections, mais ça n'a pas empêché que ces élections aient lieu. Est-ce que ça a servi le peuple burundais? Bon, ça a servi le peuple burundais puisque nous avons une nouvelle constitution. La crise est maintenant en train d'être résorbée. Et nous nous acheminons vers les élections de 2020. Mais quand même, je souhaite que cette fois-ci... Et cela n'empêcherait que les élections de 2020 soient organisées sans les Tassiens et Léon qui l'ont dit. Ce serait dommage, mais les élections seraient organisées. C'est pour ça que je demande à l'opposition radicale... C'est une fois des élections pour des élections. D'être un peu modeste. Sans sortir le Burundi de la crise. D'être modeste, est-ce que ça vaut la peine? Pas poser des préalables impossibles. Il n'y a parce rien d'impossible. Ce sont les Burundais qui... Je sais bien qu'ils ont, des soutiens de ici et là, dans le monde occidental et dans la région, mais les soutiens de l'opposition radicale, parce que je parle aussi avec eux, ils sont en train d'être agacés. Ils se demandent, et aussi, est-ce que vraiment ces gens veulent les élections ou veulent vraiment s'imposer par d'autres moyens? Tu parles avec qui? Voilà. Et finalement, tu causes avec les colons. Tu risques de t'attirer des ennuis avec le peuple. Non, je dis que je cause avec tout le monde. Je suis ouvert. Ambassadeur. Le débat était très intéressant. Il, et un il, peu. Il a dit qu'il était avec... Le débat était intéressant, mais c'est le temps qui nous talonne. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour de deux feuilles de route proposées en vue de la sortie de la crise politique au Burundi et la préparation des élections de 2020. Au plateau, nous étions avec quatre invités. Nous remercions l'ambassadeur Anatole Bachanamo, chargé de la communication au bureau exécutif du parti FNL. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Mosaïque. Je vous remercie aussi et je vous remercie aussi votre médium radio Isanganiro qui nous cesse de nous inviter pour un débat constructif. Nous disons également merci à l'honorable Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sarwanya Frodebu. Merci, je conseille à mes collègues qui sont proches du pouvoir de ne plus pratiquer la politique de la chaise vide. Deuxièmement, d'adopter le chemin résolution de la crise, création d'un environnement propice aux élections, préparer et organiser des élections crédibles, apaisées, qui honorent notre pays et notre peuple. Nous remercions également l'honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Ami Zéro Yabarundi. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci de m'avoir invité. Et je réitère le fait qu'on ne peut pas guérir une maladie qui n'a pas été bien diagnostiquée. Si nos amis alliés au pouvoir ne veulent pas reconnaître que le Burundi vit une crise et qu'il faut résoudre, c'est très dommage. Finalement, on n'a pas les mêmes ambitions. Nous disons également merci à Olivier Nkurunziza, secrétaire général et porte-parole du parti IPRONA. Je vous remercie beaucoup de l'invitation, mais aussi moi j'espère qu'en 2020 il y aura des élections. Parce qu'avoir ou à comprendre ce qu'on est en train de dire, il y a des personnes qui décalent de la date de 2020, qui pensent à une autre date ultérieure. Et je pense que on va harmoniser pour que tous les hommes politiques... Je remercie également Jérôme Nionzima qui réalisait Mosaïque d'aujourd'hui et François Akimana qui assurait la technique, Pacifique qui était à l'animation de Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous dis merci et je vous souhaite de continuer à suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.